Je vais demander à Charles Simon de me rejoindre pour aborder la question des aspects plus techniques et juridiques de la loi Hadopi. Charles Simon est président de l'ISOC France, vice-président, voilà. Ils sont très à cheval sur le protocole à l'ISOC France, et avocat spécialiste de la propriété intellectuelle. Vous êtes installé à Paris. L'ISOC, donc Internet Society, que tout le monde connaît, est une association de droit américain à vocation internationale créée en janvier 1992 par les pionniers d'Internet pour promouvoir et coordonner le développement des réseaux informatiques dans le monde. Elle est en 2005 l'autorité morale et technique la plus influente dans l'univers du réseau Internet. Donc nous avons beaucoup parlé de cette loi, mais que dit-elle vraiment? Ça, c'est des grands moments de stress quand les trucs changent, ça marche? Bon. Nous avons beaucoup parlé de cette loi, mais que dit-elle vraiment? Qu'en reste-t-il après son passage par le Conseil constitutionnel? Donc je vous donne la parole, et puis ensuite nous aurons jusqu'à 11h50 environ une discussion avec la salle. Merci beaucoup. Je ne vais pas faire l'aspect technique, je ne suis pas un technicien. Ce que je vais vous faire plutôt, c'est une présentation juste du mécanisme de la loi pour que vous la compreniez. Et il y a mon confrère, puisque nous sommes avocats, nous appelons confrère entre nous, mon confrère Chéron qui est ici, qui vous fera cet après-midi une présentation plus pratique sur comment on fait un procès aujourd'hui. Alors moi, je vais vous faire une présentation sur la loi Hadopi, et puis en se posant une question, qui a cassé la machine et comment elle a été cassée. Une première question, c'est pourquoi est-ce qu'on a fait Hadopi? Alors, Hadopi, très clairement, c'est un constat qu'aujourd'hui, il y a une sorte de problème endémique qui est le téléchargement, le petit téléchargement sur Internet, et qu'il faut le combattre. Alors, pour le combattre, trois idées fortes. D'abord, transférer à l'État et plus aux ayants droit la charge des poursuites. Ensuite, faciliter l'identification des internautes. Et enfin, mettre en place un système vraiment industriel de traitement des infractions. Alors pratiquement, ça veut dire quoi? Ce que prévoyait la loi, c'est qu'on avait des ayants droit qui vont surveiller des réseaux peer-to-peer, qui vont repérer des internautes par leur adresse IP, qui vont transférer donc ces adresses IP qui sont des identifiants techniques. Si vous voulez plus d'informations là-dessus, on pourra avoir des questions. Qui vont transférer ces adresses IP, qui sont un peu comme des numéros de téléphone, à l'Hadopi. Et l'Hadopi, à ce moment-là, elle va contacter les FAI, qui sont les personnes qui savent qui sont les internautes, afin de les identifier. Donc à ce moment-là, ce qu'on a, c'est qu'on a une personne, l'Hadopi, qui a réussi à savoir qui était la personne qui avait téléchargé. Très facilement, sans passer par un juge. Avant, pour avoir l'identification, il fallait passer par un juge. Prenez du temps, ça coûtait de l'argent, il fallait avoir des avocats. Donc on est en train de casser un marché. Certains confrères ne seront pas contents. L'Hadopi, elle, maintenant, a un nom, et elle va pouvoir contacter le titulaire de l'accès. Elle fait une première recommandation. Elle vous dit, à telle heure, tel jour, vous avez téléchargé quelque chose. Elle dit pas quoi, mais en tout cas, elle vous dit que vous avez téléchargé quelque chose. Vous recommencez moins de 6 mois après, elle vous dit, attention, vous avez recommencé à télécharger quelque chose. C'est très mal. Et la dernière étape, si vous recommenciez encore, si vous n'aviez vraiment pas compris, on vous disait, ah, vous n'avez plus d'accès à Internet. Donc là, l'Hadopi pouvait prendre une sanction et pouvait vous couper l'Internet entre, je crois que c'était un mois à un an. Pendant un mois, un an, vous aviez plus d'accès à Internet. Donc ça, c'est la loi qui a été votée par le Parlement et elle a été soumise au Conseil constitutionnel. Alors qu'est-ce qu'il a dit le Conseil constitutionnel? Le Conseil constitutionnel, il a dit, vous avez des ayants droit qui surveillent les réseaux peer-to-peer. Nous, on n'a pas de problème avec ça. C'est pas une surveillance généralisée des réseaux. Vous pouvez le faire. Après, on a des ayants droit. Ils transmettent, ils dénoncent les adresses IP donc, qu'ils ont à l'Hadopi. Il n'y a pas de problème, c'est dans le cadre de la répression d'un délit, qui n'est pas un délit, pardon, dans le cadre de la répression d'une obligation de surveillance de sa connexion Internet, il n'y a pas de problème, vous avez le droit de le faire. Ensuite, l'Hadopi contacte les FAI pour avoir l'identification. Pareil, c'est la répression d'un défaut dans la surveillance, il n'y a pas de problème non plus. Le Conseil constitutionnel, donc on en est là, il a validé la machine, grosso modo, Hadopi. Donc, Hadopi, maintenant, a le nom de l'internaute, elle le contacte. Première recommandation, le Conseil constitutionnel dit il n'y a pas de problème. Deuxième recommandation, le Conseil constitutionnel dit il n'y a pas de problème. Sanction, le Conseil constitutionnel dit ah non, ça vous n'avez pas le droit. L'Hadopi n'a pas le droit de faire ça parce que l'Hadopi n'est pas une juridiction. Vous portez atteinte à un droit qui est un droit important, droit à la liberté de communication. Il faut que ça soit un tribunal, ça ne peut pas être une autorité administrative. Donc c'est ça qui a été censuré par le Conseil constitutionnel. Il y a d'autres points qui ont été censurés, mais en tout cas sur le mécanisme de répression, c'est bien seulement ce point-là qui a été censuré. En pratique, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la machine est toujours là. Aujourd'hui, l'Hadopi, l'objectif donné, c'était 10 000 recommandations par jour. L'Hadopi, aujourd'hui, peut tout à fait envoyer 10 000 recommandations par jour. Il n'y a aucune difficulté. En revanche, la sanction, ce qui était en bout de chaîne, ce qui devait faire peur aux gens, vraiment, c'est la recommandation était censée pas être suffisante. Dire aux gens, vous téléchargez, c'est mal. Il fallait plus que ça, il fallait qu'il y ait une sanction. La sanction a disparu, qu'aujourd'hui le gouvernement réfléchit à réparer juste ce bout-là. Et c'est là-dessus qu'il y a eu des propositions qui ont été faites ces derniers jours. Donc la question c'est comment réparer. Pour l'instant, les propositions qui ont été faites, on pourra revenir dessus, sont assez rigolotes parce que grosso modo, je crois qu'il y en a deux et les deux seront censurées par le Conseil constitutionnel si elles sont votées en l'état. Et le troisième point, je crois que c'est le point le plus important, c'est le point qui a été évoqué, et puis c'était le débat en fait, le vrai débat sous Hadopi, puis le point donc qui a été invoqué par la précédente table ronde, c'est qui on tape. Aujourd'hui, Hadopi tape sur le public, mais quand vous écoutez les débats qui ont eu lieu, quand vous écoutez le débat qui a eu lieu là aujourd'hui, les personnes qui sont visées, c'est pas le public. Personnes qui sont visées, c'est les personnes qui font de l'argent, c'est Deezer, c'est YouTube, c'est la FAI, c'est les personnes qui prennent des biens culturels pour faire autre chose, pour vendre leurs propres produits. Ces personnes-là sont aujourd'hui complètement épargnées par la loi Hadopi, même les propositions qui sont faites pour la réparer. Donc le vrai débat demain, c'est eh bien, comment est-ce qu'on va arrêter d'essayer de taper les internautes, ce qui est peut-être pas efficace non plus en plus. Et comment est-ce qu'on va passer à autre chose et comment est-ce qu'on va eh bien, faire payer toutes ces autres industries qui font de l'argent aujourd'hui et qui ne reversent rien.